Le groupe de visite dont la patrie des élèves de l'école supérieure coréenne au Japon, conduit par Shin Gil-hoon, directeur de l'école secondaire et supérieure coréenne à Tokyo, a déposé le 1er juillet les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu, avant de rendre hommage.